En Russie, le Conseil des vétérans de la guerre de Corée a constitué le Discouron, le comité de souvenirs du grand dirigeant Kim Jong-il. Le comité a fixé l'espace du 10 novembre au 18 décembre comme période de souvenirs et décidé d'adresser un message au maréchal Kim Jong-un et d'organiser significativement des cérémonies politico-culturelles à l'éloge des exploits du général Kim Jong-il.